Oui. C'est tes amis. Ça va? Oui, ça va, toi. Et donc, mais c'est bien petit, tu préviens, mais c'est gentil, mais merci. Désolé encore. Hein. Harry Styles, voilà. On a fait connaissance. Oh, Soso, ça va? Bonjour, ça va mieux pour vous? Bah oui, bien, merci. Excellent. Bon appétit. Merci. Comme on ne se connaissait pas du tout. Je vais t'en prendre. Mais c'est... Mais c'est moi qui vous a présenté. C'est toi qui nous a présenté. Moi, je vais prendre un jus d'orange soufflé et un croissant. Que ça? Oui. Et tu peux prendre... J'allais dire, tu peux prendre mon croissant, parce que c'est un peu beaucoup pour moi, en fait. Ah, oh, ben, je vais juste prendre un jus d'orange. Désolé, hein, je ne charge pas vos affaires, mais c'est vrai, ça. Alors, ok. Vous savez, c'est pas 2 euros qu'il va faire que... Il a coulé, le bruant. Oui, à cause de vous. Son égoïsme. Aïe, aïe, aïe, c'est pas joli, joli. Hein, ça, oui. Ouais, c'est... Sinon, ça va, vous? Oh, écoute, ben, super, ouais, à part que bien. Pierre vient de faire couler mon restaurant préféré, mon endroit préféré. Ah, tu restes à côté? Ah, mais moi, je suis souvent ici. On me voit souvent le matin boire des litres de café. Ok. Ah, voilà. Du café. Ouais, oui. Mais tu restes toujours à la même place? Comment ça, de c'est-à-dire... côté de l'auberge de jeunesse? Du côté de l'auberge de jeunesse? Moi, je suis toujours là au-dessus. C'est ça, ouais, on exactement. On est littéralement au-dessus de mon salon. Ah, voilà. Oh, ok. Oh, alors, lorsque je parle, le son peut... Le son peut monter de 5 étages. Alors, attention à ce que tu dis, car je perçois des vibrations. Oui, et je sais. Voilà. Ah oui, je sais, ça peut être dangereux, oui. Je vais mettre les micros comme ça parce que c'est assez éparpillé. Moi, je. Des bonnes fleurs. C'est ça, des bonnes fleurs. Ouais. Bonjour. Et moi, lorsque je l'ai connu, il était tout petit. Elle avait encore des poils aussi, je pense. Ah oui, c'est vrai. Elle avait une petite maladie de peau, mais pas contagieuse. Ah ouais. Rassure-toi. Ah. Non, mais ça s'attaque jamais aux humains. C'est rare. Ah ouais, t'es pas certaine? Ah. Disons que ça dépend des humains, mais oui. Ah ouais. Là, elle est gentille, regarde, elle est en face. Ben oui, c'est drôle. Non, mais la maladie ne s'attaque jamais aux humains, c'est ça? Ah oui, la maladie. Non, la maladie, non, jamais. Non. Mais normalement, non. Ah, mais c'est vrai que ça fait comme des touffes. Oui. Des pertes de touffes. Ouais. Des pertes de touffes. Ouais, ah, mais il doit avoir foi. Bah, c'est pour ça qu'elle est bien habillée. Tu vois, elle a son petit pyjama polaire en dessous. Ah, c'est une demoiselle. Oui. Désolé. Pas de soucis, elle te pardonne. Hey, on s'est vu, Pierre, parce que là, tu sur ton site, on t'appelle Pita, t'es rendu Pita. Non, c'est Pierre Fa. C'est la page Facebook privée où il y a une espèce de petit voile comme ça. Ouais. Obscur. Obscur, c'est ça, pour me cacher des foules. Ou en dentelle, peut-être, en tartan. Peter McFa. Oui, en tartan. Oui. Ah oui, c'est ça, c'est le côté mystérieux. Hein. Écossais aussi. Ouais. Les fausses origines écossaises. Oui, fait. Ah oui, bon. La dernière fois, tu as fait un mini-spectacle avec Peppermint. Oh oui. Et c'était super. Oh, merci. C'était en juillet. En juillet. Oui. J'ai raté ça. Oui. Oui. C'était juste après le concert à Düsseldorf. C'est ça, exactement. Ah, d'accord. Petit, vous avez joué au croissant. Merci. Non, mais à la maison, pour Reynald. Ah, oui, 5 chansons. Oh, oui. Très bien. Et ça s'est terminé avec Pour l'instant, la chanson, ma chanson. Joli titre pour un best-of. Oui, c'est beau. Très, très beau. Oui. Tu connais tes classiques, hein, bravo. Bah oui. Réviser avant de venir, je pense. Non, mais je les connais toutes. Parfois, je les fredonne. Mais moi aussi, pour l'instant, c'est une chanson qui revient souvent. Sinon, Pierre, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, ben, j'ai fait des chansons pour 2-3 artistes. Vas-y, ouais. Merci. Et il y a plein de choses qui vont sortir en 2023, en 2024. La première chanson qui va sortir est une espèce de fantasy... électropop qui s'appelle Est-ce que vous avez le même en rose et qui est chanté par Clémentine. Ça sort bientôt, là, c'est le premier single d'une série sûrement. Est-ce que c'est son premier disque ou... Clémentine, non, elle a fait 35 albums. Au Japon, voyez-vous. Ah, ok. Voilà. Mais c'est vrai. Enfin, non, pas que au Japon, elle a fait au Japon. Mais oui, c'est une chanteuse française qui a. Cette histoire très particulière d'avoir été immédiatement, dès un premier travail qu'elle a fait ici en France, aspirée par les Japonais, comme ça, d'une manière exclusive. Elle a été à la fois nourrie, portée et aussi un peu vampirisée, parce que ça voulait dire qu'elle était complètement dans leur vision des choses. Et elle a fait énormément d'albums, beaucoup de disques d'or là-bas, beaucoup de tournées. Avant le Covid, elle y allait 2 fois par an. Voilà, et donc là... En français? En français, en brésilien. Ouais. Parfois ponctuellement un peu de japonais, parfois de l'anglais, mais plus souvent du français. Voilà. Et non, elle n'a jamais vécu là-bas, parce que l'idée, c'est bien qu'elle reste vivre à Paris, qu'elle soit la copine parisienne. Ah ouais, c'est les ça. Japonais, ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est en fait une icône. Ben, c'est quelqu'un... Oui, moi, quand dans mes voyages, au fil de mes voyages, ben, d'abord, je l'ai connue là-bas. Ah oui, ok. Enfin, artistiquement, je veux dire. Oh, tu oui. vois, j'ai connu son existence là-bas par des amis japonais. Et puis... tu es dans un magasin, il y a la radio, comme ici dans le café, et puis c'est une émission où elle parle, elle fait une chronique. Mais voyons. Une émission à Kyoto que j'entendais comme ça. Donc oui, j'étais en contact comme ça à travers mes voyages. Okay. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on avait une connaissance en commun. Okay. Et j'étais curieux de la rencontrer, donc ça s'est produit. Et puis pendant, ensuite, après quoi, pendant des années, il ne s'est rien passé de spécial. Tu vois, c'était comme ça, en attente. Et l'épisode de la pandémie a provoqué, en fait, chez elle, une forme de... Enfin, la latitude de faire des choses ici. Oh, okay. Parce qu'avant, il y avait un rythme, il y avait un tempo qui était installé. La cadence était là, à un moment donné, quand ça s'est arrêté. Voilà. Là, on prend conscience des choses. Hein. Ben, oui, ouais. En tout cas, elle a pris conscience qu'il y avait peut-être des gens à proximité qui avaient des idées autour d'elle. Mmh. Ok. Mmh, ok. Voilà. Ah oui. Et donc, voilà le contexte. Mais ce disque-là va paraître aussi au Japon? Ben là, pour l'instant, tu sais, des singles, ça apparaît partout dans le monde. Ouais. Et puis là, ça, oui, ça va pas. Ouais. Je sais pas s'il va être spécialement promotionné là-bas. Ça c'est fait ici, en France. On verra. Mais sinon, 2024. Oui, vas-y. C'est une dédicace pour Pierre. L'univers lui envoie des morceaux de Toriyama. Ah oui, oui. Je sais pourquoi elle passe aujourd'hui, parce que aujourd'hui, en 94, c'était la sortie de l'album. Oui. Avec, très bon disque. Très bon disque. Ouais. C'est le disque aussi qui l'a propulsé. Hein. Alors moi, j'avais connu par Little Earthquakes avant, okay. parce qu'il y avait Crucify dessus, tu vois, qui a été assez emblématique. Est-ce que c'est Mais ça, c'est son plus gros tube, celle-là. Ouais. Elle est dans un cube, c'est ça? Oui. Ah oui, ok, moi aussi. C'est par là que j'ai connu. Ouais, ouais. Mais là, tu me disais jusqu'en 2024, alors tu as des projets jusqu'en 2024 à partir de... Oui, mais même surtout en 2024, parce que je sais pas, là, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit de... Enfin, les actualités... collective et privée ne me donnait pas très envie de me remettre dans la course, c'est pas une course d'ailleurs, mais... Dans le game. Ouais. Voilà, de me dire allez, de faire les choses de promotion minimum, faire une vidéo, faire des trucs, enfin, tout me semblait un petit peu beaucoup, alors que j'adore toujours faire des chansons, hein, par ailleurs. Mais si on les fait pour les chanter dans notre salle de bain, à un moment, c'est un peu triste. Ouais. C'est ce que tu disais aussi en juillet, que tu voulais moins faire de pastilles, de CD, et peut-être plus de collaborations. Oui, c'est vrai, parce que moi, je pense que je suis très 19e siècle maintenant. Et on en parlait avec Elsa avant que tu n'arrives. Moi, je me sens un peu déconnecté de choses qui plaisent aujourd'hui. Pas de tout, hein, parce qu'il y a des trucs que je comprends. Mais il y a vraiment un monde musical et une manière de faire de la musique aujourd'hui dans laquelle moi je sais pas pourquoi je courrais après ça. Seras-tu passe-muraille ou simple gourmandise? La vie s'entre. J'apprécie quand ça se précise. Seras-tu walk on by ou apocalypse please? Un coup d'éventail qui se volatilise en attendant qu'un détail dise. J'improvise, j'apprivoise, j'apprivoise tes accords de jazz à l'encre bleue turquoise. J'apprivoise nos vies siamoises et la lune et ses phases. Vois comme je t'apprivoise. Seras-tu Georges Bataille ou petite entreprise? Élysée à Versailles, près de la tour de Pise, en attendant qu'un détail dise. J'improvise, j'apprivoise, j'apprivoise tes accords de jazz à l'encre bleu turquoise. J'apprivoise nos vies si amoises et la lune s'efface. Vois comme je t'apprivoise. J'apprivoise, j'apprivoise tes accords de jazz à l'encre bleue turquoise. J'apprivoise la nuit siamoise et la lune s'efface. J'apprivoise. J'apprivoise. Sous la lune s'efface. J'apprivoise tes accords de jazz à l'encre bleue turquoise. Putain, ce qui est plus là-dedans. Ben, peut-être que je me suis jamais inscrit, en fait, ouais. Tu vois. Ouais. Le style bien. Mais aujourd'hui, encore moins que d'habitude. Donc il faut savoir le reconnaître, mm-hmm. le dire. Et je me dis, ben ouais, c'est peut-être mieux de faire des chansons, de trouver des gens pour les porter, qui ont la motivation pour aller faire de la scène, la motivation pour habiter les réseaux sociaux d'une manière qui, moi, me fatigue un peu, mais qui est, dont je vois qu'elle est utile, dont je vois, je reconnais qu'elle est aujourd'hui nécessaire. Mm-hmm. Et c'est un moyen gratuit pour se faire connaître aussi. Gratuit. Enfin, c'est-à-dire. C'est du travail quand même. Ah oui. Non, mais je veux dire, la gratuité vient du fait que, une fois que tu as envoyé ton message, ça t'a rien coûté. Tandis que... Ouais. Oui, c'est vrai, mais bon, tu vois, ça, c'est la question de la valeur des choses. Elle se déplace. C'est-à-dire que c'est pas comme payer un attaché de presse. Ouais, c'est ça, bon, exactement. D'accord, mais t'as pas les mêmes. T'as non. pas les, accès aux mêmes choses. Non c'est plus. Sûr, c'est sûr. Et puis. On en mesure les limites. Mm-hmm. Bon, on a vu s'écrouler successivement MySpace, puis Facebook mm-hmm. aujourd'hui. Qui est vraiment actif sur Facebook aujourd'hui? Je ne sais pas. Enfin, sûrement que des gens, mais quand même, c'est beaucoup. De moins en moins non. grand. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai déserté depuis longtemps. Ah ouais. Eh ben. Et enfin, pas la messagerie, si tu veux, pour ouais. communiquer, ouais. c'est pratique. Mais en tant que... Le mur. Oui, voilà. Ah ouais. Et je pense qu'Instagram, là c'est pareil, ça a totalement fini de m'amuser l'an dernier. Pendant un moment, j'aimais bien ça, j'aimais bien faire un petit collage mmh. de photos. Je trouvais ça assez. Je pouvais exprimer un truc. Mmh. Mais ça m'est tombé des mains là. J'arrive absolument plus. Eh bien. Donc pendant ce temps-là, il y a des gens qui au contraire le font bien, mmh. s'en emparent avec légèreté, avec humour, avec tout ce qu'il faut, avec des belles images, avec des trucs. Bon, ben. Tant mieux. C'est très bien. Ouais. Et donc je me dis, bah, c'est parfait. Moi, je suis peut-être juste à ma place à faire des choses de mon côté, dans l'ombre, et puis à fournir des chansons. C'est peut-être ouais. très bien ça. Oui. Ouais. Et toi, tu as une actualité, tu viens de sortir, ou tu vas sortir. Hein? Oui, je vais sortir okay. Au mois d'avril un premier single et au mois de juin l'album, ouais. nouvel album. Oui. Et ça a pris quand même quelques temps. Quelques années, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Mais là, ça fait un an que je travaille dessus. Okay. J'ai pris beaucoup de temps. Là, tu sais, j'avais eu les petites histoires dans ma vie perso oui. et tout ça. Donc, ça m'a, j'ai eu le temps de réfléchir qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Et donc, le temps que, comme Pierre, enfin, quand on a quelque chose à dire, qu'on peut le dire avec légèreté, ça circule. Et puis, quand on traverse des moments difficiles... il faut attendre, réfléchir, que l'hiver laisse place au printemps, ouais. ce qui est le cas là. Et du coup, je suis assez contente du résultat et je vais le, j'ai fait des très belles images aussi. Je suis en train justement de travailler avec mon ordi, de préparer tous les clips, les visuels. Mais la dernière fois, on avait parlé de musique et tu t'orientais plus vers l'électronique. Bravo, bonne mémoire, très bien. Non, mais j'ai réécouté les bandes. Hein, et on parlait... Ah, super, bravo. J'ai des archives. Très, très bien. Oui, alors, on en parlait tout à l'heure avec Pierre. C'est vrai que j'ai voulu sortir de ma zone de confort. Ouais. Et j'y suis bien arrivée avec la musique électronique. Et en fait, je me suis rendu compte... Je t'avoue que je me suis beaucoup investie sur le projet électro et j'ai pas eu vraiment les répercussions. Les gens avaient du mal à comprendre. Je pense aussi que j'ai arrêté complètement la guitare et tout ça. Le virage était assez intense. Mm-hmm. Et du coup, je me suis rendu compte en fait l'année dernière que j'avais, malgré le fait que j'avais rien sorti l'année dernière, j'avais un certain nombre, beaucoup d'écoutes quand même sur Spotify. J'avais à peu près par mois 6000 écoutes. Bon, je me suis dit, c'est vachement bien pour quelqu'un qui n'a rien sorti. Ouais. Et je me suis rendu compte que ces écoutes étaient sur des morceaux d'acoustique, douceur. Et j'ai dit, maintenant, ça suffit, je vais refaire ce que je sais faire. Je vais retourner dans l'acoustique, je vais laisser la place à ça. Il y avait aussi un autre paramètre qui était assez intéressant, c'est que après avoir fait l'album électro, quand il a été question de défendre sur scène et de faire des petits lives toute seule avec moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je préférais transporter ma guitare que mon ordi à l'autre bout de la France et de me retrouver à chanter dans des petits endroits intimes, sortir l'ordi, les branchements, les câbles, me dire que tout allait bien se passer, que j'allais pas trébucher sur un câble d'ordi ou je sais pas quoi. Enfin tout ça, quoi, j'étais vachement plus à l'aise, j'avais plus de choses à raconter sur scène avec ma guitare. Et j'ai plus vraiment, ça c'était vraiment, là je me suis dit, aïe aïe aïe, tu as fait tout ça et maintenant sur scène en fait t'as envie d'une guitare. Non mais au moins t'as vérifié, c'est ça, au moins t'as osé. Ah ça j'ai bien, voilà. Alors là, on peut parler de retour aux sources. Exactement, ouais. Exactement. Est-ce que les chansons que t'as fait dans le style électronique, tu peux les reprendre d'une manière acoustique, c'est plus difficile. Hein? Mais tout à fait. J'ai pris justement, il y a une chanson de mon EP électro qui s'appelle Cinderella et que j'ai repris sur l'album acoustique parce que vraiment, je pense que c'était une chanson dont j'étais vraiment contente et je trouvais ça vraiment dommage que la mélodie me plaisait. Je trouvais qu'elle était catchy, qu'elle était bien, Et donc j'avais vraiment envie de la remontrer et je trouve qu'elle n'avait pas été je pense que je pourrais faire ça sur toutes les chansons de l'album EP La Vie Sauvage. Il se trouve que après il y a aussi il faut faire des choix, on peut pas tout pour l'instant, on peut pas tout reprendre. Voilà, ça c'est un travail, c'est un coup, c'est voilà. Oh. face de la rivière. Étrange épave, plus de voiliers clairs, aux murailles de nos erreurs. Disons nos pas en douceur. Est-ce que des chansons, voilà, parce que là, je crois que tu es rendu à ton cinquième ou quatrième CD? Cinquième. Cinquième. Est-ce que tu réécoutes les anciens disques ou si tu veux rester plus actuel, rester plus neutre sur le passé? Tu veux dire écouter mes anciens disques? Alors non, parce qu'en fait, tout simplement, je pense que quand on a travaillé sur un disque, on l'a tellement écouté, on l'a tellement travaillé, traité. Alors bon, sur les anciens disques, il y a Pierre qui a fait beaucoup de travail ingrat, comme les premiers, traiter les pistes. Non, traiter les pistes et les bruits et travailler. Bruits, c'est un peu de bruit. C'est du boulot. Donc tout ça, c'est du travail. Et maintenant, c'est un travail que je fais moi sur le nouveau. Donc j'ai pas, si tu veux, quand on a passé des heures et des heures et des heures et des heures sur un morceau, ben on a envie de le faire vivre sur scène, ouais, mais pas réécouter. Voilà, donc ça, c'est pas quelque chose qui me... Est-ce qu'il y a des chansons qui ont mal vieilli que tu reprends pas? Qui ont mal vieilli? Parce qu'à l'image d'Elsa, toutes ces chansons avancent dans le temps avec une grâce. Oui, oui. Qui se projette dans l'avenir. Troublante. C'est beau ce que tu dis. Est-ce qu'on peut, voilà. On peut... Ça, c'est, je pense que c'est le titre, le gras de l'article, je pense, voilà. Se projeter dans l'avenir avec une grâce. À l'image de ces chansons, Elsa se projette dans l'avenir avec une grâce troublante. Mais en même temps, le côté acoustique peut faire en sorte que ça vieillit jamais. Tandis que l'électronique peut vieillir. Alors ça, en fait, et ça c'est drôle aussi dans ce que tu dis, parce que, oui, pour moi l'électro c'est bien pour faire de la gym, mais après moi ce que j'écoute, ce que j'aime, plus c'est vide, plus c'est jazz, plus c'est épuré, plus c'est rond, plus c'est... moi c'est ça, vers ça que je vais en tant que cliente, entre guillemets, donc quelque part je fais la musique que j'ai envie d'écouter, donc c'est très bien. Après j'aime beaucoup l'EP électro que j'ai fait, et encore une fois, ça correspond à une époque de ma vie que j'ai aimée. Mais c'est vrai que moi, en tant que cliente musicale, je suis plus vers des choses qui nature, voilà. Est-ce que Pierre a collaboré à ce nouveau disque-là? Non, jamais. Non. Du tout. On a refait une chanson récemment avec Pierre, qui a été que j'ai pas encore enregistrée, qui sera peut-être en bonus track. On a fait deux albums entiers, Marvelously Dangerous et 3. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était très bien. Okay. C'est-à-dire que je ne voyais pas quoi ajouter dans l'angle que je pouvais apporter à Elsa, comme un photographe prend un angle, tu vois. Là, je voyais pas quoi ajouter à ce que j'avais à faire. Et je trouvais très très bien que Elsa prenne en main des choses. Moi, j'ai pas du tout le tempérament d'un propriétaire. Je trouve pas ça sympa. Moi, j'ai vu autour de moi des espèces d'hommes ou de producteurs propriétaires comme ça. J'aime pas. Tu vois, il y a un truc. Ouais, qui parle mal. Enfin, donc, je trouve vraiment super que Elsa fasse un album en entier. Quelle chapeaute, qu'elle conçoit, qu'elle... Voilà. Bon, là, à la fin, j'ai fini par écouter les chansons et par donner 3-4 avis, mais tu vois, très super léger. Voilà, quoi. Et à sa demande. Okay. Je suis pas arrivé là en disant, bon, un inspecteur des travaux. Il a sonné, j'ai pas voulu ouvrir, mais il a insisté. Ah ouais, c'est ça. Il a mis le pied dans la porte, je ne le laissais plus sortir, alors je lui ai fait écouter, comme ça, dans ces conditions. Et... C'est très bien, il faut savoir renouveler, tu vois, ça fait des jachères, je trouve ça sombre. Oui. Et donc, votre, toi, tu as été plutôt une oreille attentive sur l'album de ça. Oh, ben, même pas, en fait. Si. Non, mais à la toute fin, je veux dire, quand le travail a été fait, quand elle a fait son album, elle a fait son album, elle n'avait pas besoin de moi, elle l'a fait, puis voilà. C'est parfait comme ça. Hein? Et il a donné des très bons avis que j'ai intégrés. Oui. Des bonnes idées. Si, c'était des bonnes idées. En même temps, quand on est proche de ce que l'on fait, on ne peut pas trop voir d'une manière extérieure les petites, le petit raffinement qu'on peut lui apporter. Ça a les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est qu'on est maître à bord. Et du on peut vraiment dire si ce guitariste, si finalement ça ne me plaît pas, je peux tout refaire, je peux tout recommencer. Ouais. J'engage pas des gens qui se donnent à fond en disant voilà. Donc ça, c'est génial et d'avoir ce rapport-là de pilote. Et après, c'est aussi un inconvénient dans la mesure où quand tu es pilote, ça peut être un peu, comment on dit, aveuglé à l'homme. Enfin, ça peut te prendre un peu ici, à la poitrine. Et te dire, où je mène ma barque et tout ça. Mais c'est j'ai bien aimé le côté pilote, du quelque part, et productrice, enfin pilote, voilà. Ça m'a bien plu. Et c'est quelque chose que j'avais pas trop expérimenté, à part je m'en étais réduite à des maquettes, et ça fait quand même un petit moment que je travaille un petit peu, que j'essaye de prendre des cours pour la musique assistée par ordinateur, pour les prises de son, m'améliorer. Donc ça commence à faire. J'ai commencé, quand même, je suis plus au même niveau qu'il y a 2-3 ans. Donc, je suis contente de ça. Et donc je comprends un peu mieux certaines parties du. Je me suis diversifiée aussi dans certains aspects du métier. Et d'autres où je délègue aussi avec plaisir. Voilà. Légère, légère, sinon tu vas toujours souffrir. Légère, mieux vaut en sourire. Les lacets t'es fait, tout le réparable et tout l'imparfait, les impondérables. Ne leur donne pas plus de temps que ça. Légère, légère, sinon tu peux toujours pleurer. Légère, mieux vaut pardonner. Tous les petits riens, ne pas t'encombrer. Tu les vois de loin, tu passes à côté. Planons au-dessus de nos sangles aigus. Légère, légère, sinon tu vas toujours subir. Légère, je veux te le dire. Tout ce qu'on peut dissoudre dans un peu d'humour, dans un dé, un coudre, amitié, amour. Va donc t'acheter de la légèreté. Légère, si légère. On peut dire quelque chose sur cet album que je trouve intéressant, c'est qu'il y a encore des nouveaux langages. Elsa, qui a toujours été très polyglotte, avec de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais, du français. Alors là, en plus, il y a du chinois et de l'espagnol. Et chinois, espagnol, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Français, anglais, pas d'allemand cette fois. Mais tu mets pas la chanson en arabe avec le refrain? Ah oui, en arabe, mais oui, bien sûr, si. Incroyable. Je l'ai rajouté sur le conseil de Pierre, j'ai rajouté cette chanson en arabe. Mais tu connais l'arabe? Tu peux parler l'arabe? Alors en fait, c'est une dame, c'est une asso de protection des enfants. Elle a été, en fait, cette dame, elle a été raptée quand elle était enfant, emmenée en Algérie, séparée, de ses parents, de la France, voilà, de sa mère, okay. Et qui d'ailleurs, bref, n'était pas un cadeau non plus, mais enfin, voilà. Et elle a écrit un livre, elle a fondé une asso, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est enfant et qu'un des parents se nous emmène dans un pays, l'autre parent se retrouve un peu sans aucun recours, et donc son histoire, j'ai lu un peu son livre, et c'était, elle m'a vraiment émue. Elle est professeure d'arabe à l'université ici maintenant. Ah, à Paris? Oui, à Paris. Okay. Et c'est une nana qui a une vie incroyable et très intéressante. Et donc, j'ai écrit cette chanson pour elle, pour son asso. Elle m'a traduit, elle a traduit. Donc, j'ai la super traductrice de luxe. On a traduit le refrain en arabe. Et donc elle m'a appris à prononcer, à chanter, tout ça, et moi j'adore, je trouve ça très beau, l'arabe. Après c'est vrai que les cours d'arabe, pourquoi pas, mais j'en suis encore au cours de chinois là, donc voilà. Mais la chanson existe en français aussi. Elle est en français et avec le refrain en arabe. Okay, je comprends. Mais en tout cas c'était assez prometteur et moi j'aime beaucoup l'arabe dans la musique. Justement pour le côté, il y a un côté très festif, enfin on peut, ça se décline, je trouve que c'est une langue musicale, il se passe des choses quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est hyper intéressant et je pense que c'est pas mon dernier morceau en arabe, moi je trouve ça chouette quoi. C'est super. J'ai très envie justement, si un jour je refais un morceau un peu dansant, j'ai envie de le faire en arabe parce que je trouve que c'est une langue qui va bien avec la fête. Oui, oui. Puis en même temps, il y a des incantations, quelquefois dans la chanson arabe. C'est pas juste dansant, c'est aussi, un peu comme la musique africaine. On sent la... C'est habité. Habité, exactement. Comme le flamenco. La transe. C'est habité. Oui, effectivement, c'est vrai. Puis c'est très beau à entendre, mais avec l'accent français, c'est sans doute... Non, parce qu'il doit avoir l'accent, c'est comme... Écoute, on verra. J'ai fait de mon mieux, mais... Non, mais c'est beau. Non, mais ça sera peut-être charmant. Ben oui. Bon, j'ai pas non plus accentué l'accent, le côté parisien. Non. Mais donc, ce disque-là va peut-être sortir là-bas. Apasionada, enamorada, asustada, enloquecida, envenenada, con tu mirada, a veces nieve, a veces bruja, a veces agua, a veces flor, flor de papel, flor de la luna, flor de color, flor de café, flor de la tarde, crezco y subo como la hiedra para abrazarte. En tu ventana soy la paloma entre las nubes, enciendo estrellas y las tiro por tu calle. Y cuando quiero, cuando me canta, soy la sirena, la pecadora que anda sola y perfumada. La parisina, siempre divina, siempre sonrisa. Cuando se ríe, cuando se baila, cuando se toma. Ilusionista, equilibrista, la maga que suavemente sobre las olas camina. Y de paseo entre tus lindas manos negras, María Dolor, María Calor, María Llorona, pinto mi boca con la linda bichita, carne de higo, piel de durazno y de gallina. Brujita mareadita y perfumada, déjala libre, deja que salga de tu vida, esa brujita mareadita y perfumada. ben, ça va sortir dans le monde entier, dans comme disait Pierre, ça va sortir. Après, voilà, on verra ensuite comment on arrive à... Est-ce que tu suis la vague de, du CD au vinyle ou si tu fais juste le présenter? Il a fallu faire des choix aussi financiers, donc pour l'instant pas de vinyle, ça serait mon rêve, parce qu'il faut dire aussi que là j'ai la chance d'avoir trouvé une photographe que... J'aurais même pas pu rêver, son univers, il a été, c'était au centuple de ce dont je pouvais rêver pour moi. Ça, c'est bien. Voilà. Et ouais. Donc, elle est en force de... C'est une nana géniale qui s'appelle Vivienne Mock, okay. Qui fait des photos qui collent avec mon univers à un point génial. On s'est très bien entendu et on continue des collaborations. Donc, j'ai des très beaux visuels, enfin, des visuels dont je suis plus que contente. C'est même... Je m'attendais pas à avoir aussi des aussi beaux visuels jamais dans ma vie, tu vois. Vraiment, c'est magnifique. Et donc, oui, un vinyle, ça me plairait beaucoup parce que pour sublimer le travail de Vivienne, ouais. L'univers de Vivienne, j'aimerais beaucoup pouvoir présenter ça sur un beau vinyle. Ouais. Donc c'est peut-être. Ouais. Ça s'appelle objet le vinyle. Ouais. Donc ouais. Dans l'avenir, pourquoi pas. Pour l'instant, je préfère pour l'instant me focaliser là, mes forces sur la promo. Ouais, ouais. Parce qu'il y a eu l'enregistrement, maintenant il y a la promo. Le vinyle, je pense que ce sera un petit cadeau pour célébrer le succès, l'action, les actions engagées. Est-ce que. Mais premièrement, comment tu l'as rencontrée cette femme, Vivienne? J'ai vu une connaissance qui postait des très belles photos et j'ai regardé qui était la photographe, Vivienne Mock, ok. Pendant un an, j'ai gardé son Instagram de loin et je me disais, non mais c'est tellement beau, en fait, je sais pas si elle aura le temps ou l'envie ou je sais pas, enfin je me disais vraiment c'est trop beau et tout ça. Et à un moment, je me suis dit, mais tu es à contact là, peut-être que c'est son métier qu'elle a envie de travailler. Ouais, c'est vrai. Et en fait, elle m'a dit oui. Mais c'est son métier. Ben c'est son métier et elle avait besoin de travail. Ben oui, c'est bien. Donc, ben oui, hey. Parfois, tu sais, quand on se réserve, enfin, je ne sais pas comment dire, on place les choses qu'on désire sur un piédestal et on n'ose pas trop y aller. Donc là, je l'ai contactée au bout d'un an et donc elle a accepté et on a fait une première série de séances photos qui ont dépassé mes plus folles attentes en termes de visuel. Et donc maintenant c'est un. Et maintenant je lui ai proposé de faire des vidéos. Et en fait on a commencé à faire des petits on a commencé à faire des sessions vidéo pour faire des clips. Et puis on a appris ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, comment faire. Voilà. Et donc comme elle vit en Suisse, on se voit pas souvent. Okay. Mais on essaye de faire. Et maintenant on a trouvé une espèce de méthodologie qui marche assez bien. Où on trouve des solutions pour faire des visuels, gagner du temps, être trouver le bon rythme de. Mais avant de prendre des photos, vous avez discuté ensemble? Ah oui, tout à fait, ouais. Et ça s'est très bien passé, l'osmose, c'est que... Ah oui, en plus elle est styliste, donc elle a une petite garde-robe qu'elle met à disposition aussi, de belles choses, elle a un goût des belles choses, des matières, donc c'est super intéressant, c'est toujours très intéressant, et puis une imagination très... voilà. Est-ce que tu sens l'évolution du premier disque jusqu'à maintenant ou si c'est comme une transition normale? Je dirais pas évolution. Je sais pas si c'est évolution, c'est un chemin avec des pays différents. Non? En Pierre, on peut dire ça? Je trouve pas que mon nouvel album est plus évolué que les autres. Les sommeliers dans le coin. Oui, c'est ça. Est-il? On veut pas. Nous sommes au bruit. Ah oui, bien entendu. Ah, mais je vous reconnais. Oui, c'est bien. Vous êtes l'animateur Renan. Oui, à peine. La chanteuse Elsa Kopp. Tout à fait. Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Oh, vous savez, j'écoute un peu de tout. Et... Alors, oui, un chemin avec des pays différents. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on peut pas dire que... Entre Acoustic Joys et Marvelously Dangerous, déjà, il y a quand même une évolution assez nette. Une évolution en quoi, sonore ou Sonore. Oui, et quand je dis sonore, c'est que par exemple, ben, Acoustic Joys, comme le nouvel album d'Elsa, sont des albums très homogènes. Okay. C'est-à-dire où, du début à la fin, tu as une ambiance qui est développée, qui dévoile ses facettes, ses pétales, comme ça, mais c'est un climat, globalement. Alors que sur Marvelously Dangerous, au contraire, j'avais essayé de creuser les écarts, de creuser les différences entre les morceaux, et d'exprimer quelque chose de plus multifacette. Ouais. Voilà. Qui correspond à une partie du tempérament d'Elsa, je veux dire, qui sort pas de nulle part. Donc déjà, tu vois, il y a deux choses assez différentes. Après, Il y a eu la parenthèse électro avec La Vie Sauvage, mm-hmm. qui était à nouveau quelque chose qui était dans une intention du début à la fin, mais une intention très différente de l'acoustic jazz. Tu vois, ça c'est pas mal, il y a une exploration quand même. On ne peut pas dire que c'est juste un truc linéaire qui évolue. Il y a des vrais tiroirs, il y a des phases. Voilà, il y a eu la période bleue d'Elsa. Québécoise cette année, depuis qu'on s'est vu, c'est Ariane Moffat. Oui! Vachement bien. Ouais, mais c'est une. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Ok. Ouais, mais bon, évidemment, il y a eu le Covid, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Au Café de la Danse. Oui. Et j'ai passé un moment super, et je me suis dit que si elle était à Paris et si elle jouait plus souvent, j'irais la voir plus souvent en fait. Ouais. J'ai bien aimé sa présence. Elle avait des chansons qui étaient souvent émouvantes, mais qu'elle ponctuait d'humour entre les chansons. Enfin, j'ai bien aimé sa présence, en plus de la musique. Voilà. C'est une grande dame, on l'aime beaucoup. C'est une artiste connue et reconnue. Oui, ouais. Bah, elle mérite. Hein, oui. Comme Pierre Lapointe. Ah, ouais. Et bon, alors il est originaire de France aussi, mais j'aime toujours beaucoup Jérôme Minière. Ah oui, mais il reste à Montréal depuis longtemps. Voilà, depuis 30 ans. Il est adopté, je crois. Oui. Moi, j'aime même québécois. J'aime beaucoup son écriture. Ouais. C'est une des écritures francophones qui me semble la plus où il y a le plus d'idées, il y a le plus de, tu sais, de petits décalages qui t'emmènent, qui te font réfléchir sur une situation, un sentiment, il a des points de vue qui m'intéressent toujours. Il est intact. Et je dirais, enfin, ses tout premiers albums me plaisaient moins. Je trouvais ça original, à l'époque de Lithium, là, les tout premiers, fin des années 90. Mais je trouve qu'il a vachement bien évolué. Il n'est pas resté au même point, il a gardé une certaine fraîcheur, mais il a bien évolué, ça a maturé. À chaque, vraiment, hein, c'est surtout depuis 2010 en fait qui m'a totalement convaincu. Avant, il y avait toujours des choses qui me plaisaient, mais je me disais, ouais, bon, sur le plan sonore, il y a ci, il y a ça. Bon, en fait, je n'étais pas à fond. Là, maintenant, je suis à fond. Mais c'est un être très brillant, très discret, très très discret. Pas très connu. Oui, c'est vrai que c'est, sa création n'appelle pas à remplir des stades. Même ouais, si tu enlèves CKRL, CKIA, radio universitaire, dans les radios commerciales, il n'y a pas de choix. Oui, c'est normal, non? Enfin, je dirais, ça, heureusement, ça ne devrait pas le mettre. Oui, ouais, certes, mais disons, non, c'est vrai. D'accord, ça n'est pas normal, mais ça ne m'étonne guère. Non, non plus. Voilà. Sa règle, la matrague, les films en noir et blanc. J'aime Diana Rigg, Copenhague. Et oui, je suis souvent radical, chic, just because. Une rose qui implose, radical, chic, prends la pause. Oh mon petit flamant rose, tu métamorphoses toutes choses dans ma vie. J'aime ceux qui naviguent dans le vague en restant élégant quand ça fait des zigs et des zags. On un peu plus séant, radical, chic, si tu l'oses. Une dose de grandiose, radical, chic, ça s'impose. Symphonie qui se compose, une apothéose virtuose de la vie. Jamais travaillé sur les formats. Il fait ce qu'il veut. Ouais. C'est bien. Oui. Oh oui, ben oui. C'est bien. Ben oui, ouais, je trouve que c'est chouette ce qu'il arrive à tracer au fil des années. C'est vrai. Il y a toujours un fil conducteur. Il y a toujours. On sent la signature. Ouais. Moi, j'ai été. En France aussi, là, il y a un album que j'ai bien aimé. Si tu as l'occasion, ça sort bientôt. C'est une fille qui s'appelle Julia Jean-Baptiste. L'album est arrangé par Marc Collin de Nouvelle Vague. Et là, il a fait du beau travail. Il est motivé, manifestement. Je trouve l'album très riche, plein de facettes. Tu l'as entendu avant ? Ouais, j'ai reçu l'album, ouais. Et c'est imminent, hein, là, ça, c'est dans une semaine. Je crois qu'il est sorti, l'album est sorti il y a 2 jours ou 3 jours. Ah, peut-être, c'est possible. Oui, c'est là, c'est ça. C'est maintenant, là, voilà. Ok, ah. Et voilà, si t'as l'occasion, je te le conseille. Je trouve ça vraiment... il se passe plein de choses. Ah, mais je crois. Oui, je regarde ça. J'ai écouté ça avec grand plaisir. Ouais. Et je vais attendre la sortie en juin. Oui, en juin. Oui, parfait. Mmh. Parfait, j'ai bien hâte de voir la fraîcheur de l'été à travers ce disque. Il y a notamment une chanson d'amour pour un être de lumière que j'aime de tout mon cœur. Oh, c'est bien. Oui. Et on dit, c'est moi. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ça me fait vraiment penser à Petit quand on l'allume. C'est vrai. Hein? J'adore ces mopettes. Oui, ben oui. Ben, merci beaucoup, mes amis. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de te voir. Ben, moi aussi, c'est réciproque. Et je suis content d'avoir jumelé les deux rencontres. Mais ça, c'est encore grâce à Pierre. Dans le noir, sur la terrasse, le cyprès parfumait l'air d'un je ne sais quoi de lointain. Et quelqu'un tint Jean du piano, c'était une fille modiano, des nuages de coton bleu à courir dans la nuit. Je veux tenir ta main. C'était une fille en robe du soir, jouant bien le jeu d'un regard. Approchez-vous de sa distance, elle est l'océan qui avance dans le matin. Une ville inconnue scintille, et dans ses reflets qui vacillent, on voit passer des barques lentes. Mademoiselle était charmante, mais enfin. Au ralenti dans les couloirs, des grands hôtels en décadence, les roseraies d'amour d'enfance, je m'en souviens. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.